Vieux rocker assez rétro, mais des rap clichés y'en a trop. Ça paraît pourtant logique, alors pourquoi tu cogites? J'avais la coupe à la Kojak, et puis comme j'avais pas d'idée, je les ai laissés pousser quasiment jusqu'au bas du dos. Certains diront que ça fait pénal, mais c'est fatal quand je viens étaler mon talent freestyle. T'as les mêmes tâches qui t'étalent, puis t'en perds les pédales. Si parfois je mets du rouge, j'en ai perdu les pétales. Vu que je suis pas dans la dentelle, pas la peine que je m'épile. J'ai les épaules plutôt solides, même si je suis népale. Je suis que au Népal, avec la peau transpercée par le métal, tatoué comme du bétail. Je suis parvenu faire la guerre, moi j'ai remporté la bataille. Mais la bétail ça route grave et peu importe son style. Festivité rudimentaire, j'ai choqué au point de vue vestimentaire. Élémentaire et je vois pas où l'estimentaire. J'ai pas la gueule, j'ai pas la pile mais j'ai la vision large. J'ai pas le profil mais j'ai la vocifération qui fâche. En gros, je mâche pas mes mots, je lâche mes démos. Pas besoin d'un quelconque style pour faire parler mes démons. Mon stylo toujours dans la paume, tant pis pour moi si on me trouve paumé. Mais je suis beaucoup trop affamé pour qu'on essaye de me gommer. Je continuerai sans hésiter, apprenez la simplicité pour faire face au conformisme qui ne fait qu'augmenter. Je suis qu'un mec ordinaire, juste envie de partager ses peines, d'éclaircir les atmosphères proposées par ce monde obscène. Si tu me considères pas, tant pis. J'ai que mes tirs en guise d'arpon pour éveiller ce peuple qui roupie. Trop de gens jugent sur les apparences. Mieux faut être un stéréotype pour avoir de la reconnaissance. Y'a plus de cohérence, non, tout part en vrille. Trop d'artistes se formatent pour que leur talent brille. J'suis pas un pitre ni un bagarreur, mais j'me laisse pas pisser dessus. Ne t'avise jamais de lever ta patte arrière. J'en ai pas l'ardeur, j'n'ai jamais connu la guerre. Mais touche un de mes sauts, j'suis là dans les trois quarts d'heure. Ça m'a pris quand c'était mot, mais c'était bête. J'suis un petit peu plus instruit, mais j'ai toujours autant de piquant. Toujours un petit blanc, mais une fois d'ogre. Sur un pont beat, ma vibe à la force de 10 clans. J'ai ce faciès angélique et distant. Une parcelle de moi abrite un titre électrifiant. J'ai visé l'épuisement dans les phases de ma vie. J'ai voulu fuir, faire le vide et partir définitivement. Y'a pas de raison à ce que je devienne un lascar. Et si telle est la règle, je serai en dehors comme Ascar. Moi je mets la patate et traque pas. Et c'est Y est dans les tacles, le mec est assassin au capage. Moi j'suis pas papy, connu l'afro malgré ma calvicite assignée. Les anges m'ont préservé de ceci. J'suis un mécal banal, touchant à peine à l'illégal. Entouré de gars qui se déclarent honnêtes et j'apprécie ça. Je ne cite pas de phrases qui incitent à prôner la haine. C'est la paix que j'enseigne, un esprit ouvert à travers des enceintes. Donne-moi 5 jours d'arrêter de rapper. Les 4 premières sont là, tenues de comportement. La 5ème c'est pas la trouver. Dois prouver quelque chose. Mais à qui ou à quoi tu crois représenter le mouvement? Parce que t'as vu vivre ma vie de pouvoir. J'ai pas style, ça fait 9 ans plus pas que j'm'installe. M'éclatant à taper comme un malade. Mental. C'est vrai, je le suis un peu dans ma teuté. Gros entêté à quoi la zig est seul depuis mes premières TD. Donc j'ai testé l'écriture ce soir de 96. La pensée mentale, j'enculé les gens qui chaque signe persiste. Collectif.